voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Karine et Joris sont un jeune couple en transition. Joris, prof de surf, et Karine, thérapeute, vivent sur la côte landaise. Leurs idées sont claires, développer l'autonomie, travailler moins, dépenser moins et se rapprocher de la nature et de ses bienfaits. Rencontre avec ce couple sur le chemin du changement. Simplicité volontaire ou décroissance, alors qu'est-ce que ça vous évoque ces termes-là? Et lequel vous choisiriez? Plutôt sobriété, plutôt simplicité? Plutôt simplicité, être dans le renoncement et penser à être le plus libre possible sans avoir à penser à tous les biens matériels, tout ça, et avec un rapprochement à la nature et juste chercher en soi le bonheur. Donc ça nous ramène à ne pas trop travailler. Là on est un peu, enfin j'ai devant moi un couple en transition. Là on est dans une maison, une belle maison, hein, donc vous êtes locataire. Et j'ai bien compris qu'il y a cette volonté de vivre autrement et d'aller vers une forme d'autonomie tout en travaillant le moins possible. Qui c'est qui peut me parler un petit peu du modèle que vous allez mettre en place et pourquoi et comment vous en êtes arrivé là dans la réflexion? Du coup là on a donc le jardin où on essaie d'être le plus autonome possible sur la nourriture. Donc déjà, c'est une première étape. Et après, l'étape suivante, ce serait d'être autonome au niveau énergétique. Donc avec une maison sans forcément consommer de l'électricité produite par des centrales radioactives. Essayer de tout faire en sorte pour minimiser notre impact sur la Terre. Et se rapprocher de la nature, c'est la base, c'est le départ. C'est ce qui nous a un peu lancé là-dedans, quoi. C'est à chaque fois d'observer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire les choses dans le bon sens. Quoi. Pourquoi ne pas continuer à être locataire ici dans cette maison qui est très chouette? Ah, parce que ça nous correspond pas, quoi. C'est pas le... Ça manque, c'est moderne, mais ça manque d'âme. Et voilà, après l'électricité est raccordée au réseau EDF et... Il y a tout un lot, c'est l'eau de la ville traitée au chlore avec du fluor dedans. Il y a tout plein de choses. Après, c'est des toilettes qui ne sont pas sèches, donc toutes les eaux repartent dans les stations d'épuration, ça nous plaît pas non plus. Il y a tout un contresens de la société soi-disant moderne, en fait, qui en fait reste sur des trucs qui vont pas bien. Et quel a été l'événement déclencheur? Pourquoi remettre en question la société moderne? Je pense qu'une sorte de prise de conscience qui a commencé il y a quelques années. On a pas mal voyagé et on a vu un peu l'impact du tourisme sur les pays un peu sous-développés. Et on s'est dit qu'en fait que notre façon de vivre chez nous n'était pas la bonne. Et de fil en aiguille, on a essayé de s'écarter un petit peu de ce monde des Occidentaux qui viennent un peu pourrir tout le reste du monde en profitant de tout ce qu'ils avaient pris avant, en fait. C'est parce qu'on a la chance de vivre à la base dans un pays riche qu'on peut profiter de... qu'on a des voitures, qu'on a tous des maisons et qu'on vit à... Je crois qu'il faut deux planètes et demie pour... Il y a une histoire comme ça, non? Où il faut deux planètes et demie pour une personne. Si tout le monde vivait comme les Européens ou les Américains, je crois qu'ils ont conseillé qu'il en faudrait trois par an. Quoi. Ouais, il y a une histoire d'empreinte écologique. Quelle est mon empreinte en fonction de mon mode de consommation? Et si tout le monde consomme comme un Américain, c'est vrai qu'il faut plusieurs planètes pour produire les ressources suffisantes. Ouais. Donc moi, j'aimerais bien que mes enfants voient la planète comme je la vois moi maintenant. Quoi. Après, on voit tous qu'il y a de plus en plus de monde et que... mais que c'est de plus en plus pollué, le réchauffement climatique, les eaux qui se polluent. Enfin, ça va pas dans le bon sens. On a une sorte de mur qui nous arrive droit devant et tout le monde met des œillères et nous, on essaie d'enlever ces œillères et on voit un petit peu les choses. Plus on s'écarte de ce mode de vie, en fait, qui est facile parce que tout est facile. Il suffit juste de travailler, d'avoir de l'argent. Et ensuite, si on ferme les yeux, on a tout ce qu'il faut, on a le home cinéma, mais en fait, c'est juste des... On n'a pas besoin de tout ça, quoi. C'est juste des leurres, en fait, pour pas qu'on se rende compte qu'on nous manipule. Mais pourquoi, justement, ne pas choisir la facilité? Tu te dis, c'est facile d'avoir tout ça à travailler. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Ça rend pas heureux, en fait, d'avoir tout ça. Et tu parles, aujourd'hui, tu parlais du voyage, là, et le voyage aussi, ça nous a permis de nous rendre compte d'une certaine liberté. On a acquis une certaine liberté en voyage, parce qu'on avait juste un sac à dos avec trois t-shirts et pas grand-chose. On mangeait pas grand-chose, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait un échange avec les gens qui était réel et qui était authentique. Les gens, ils nous prenaient pas pour nous parler parce qu'on était nous, pas parce qu'on avait des billets à leur donner. Alors, il y a des endroits où forcément c'est comme ça. Mais dans nos voyages, on a fait des très belles rencontres et ça ne s'est pas passé comme ça. Et on s'est rendu compte aussi que les gens à l'étranger, souvent, ils n'ont pas grand-chose. Dans ces pays en développement, notamment en Asie où on a voyagé, ben, les gens, ils n'ont rien. Ils ont juste leur sourire. Et en fait, c'est ça le bonheur, quoi. C'est juste avoir le sourire au bord des lèvres, quoi. Tout le temps. Et ici, en Occident, en France, quand on bosse, quand on passe nos journées sur le modèle normal, à bosser entre guillemets 35 heures par semaine, ben les gens, ils sourient pas, quoi. Ils sont pas heureux de vivre. Et on a des activités qui nous permettent aujourd'hui de travailler parce que ça nous permet de gagner un petit peu d'argent pour subvenir à nos besoins premiers, mais qui nous prennent pas tout notre temps. En fait, c'est pas notre vie professionnelle qui prend le pas sur notre vie privée, parce que c'est pas la vie professionnelle qui rend heureux. Il faut avoir une je pense qu'il faut avoir une activité parce que ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir, et puis c'est quelque chose qui nous plaît généralement. C'est mieux quand ça nous plaît et on en a besoin. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement ça, quoi. Il faut penser, oui, à la polyvalence, à pouvoir avoir la possibilité de faire plein de choses pour déjà ne pas se lasser et avoir le choix, si on a envie, d'arrêter de le faire et de passer à autre chose. Mais on n'a pas avancé aussi encore. On est en transition, on n'est pas encore dans l'autonomie totale parce que pour y arriver, on va avoir besoin de moyens financiers pour pouvoir construire notre foyer à vie. Et tout ça pour le faire consciemment avec des matières écologiques, qui est une âme justement dans ce foyer-là, avec toutes les idées qu'on a aujourd'hui, on a besoin de finances. Parce que c'est comme ça que ça se passe, même si on veut qu'elles soient les moins hautes possibles. Et donc, il nous faut travailler un petit peu pour pouvoir après se payer le plaisir d'à 40 ans être à la retraite, quoi. C'est ça, travailler avec l'idée de travailler moins derrière, quoi. Pas travailler bien pour sûr. Gagner de l'argent, vraiment travailler pour s'offrir du temps libre. Et puis c'est travailler vraiment, enfin travailler pour soi, autant juriste que moi. On travaille, on n'a pas de chef, on est tous les deux un auto-entrepreneur. Et donc, si demain, on n'a pas envie d'aller travailler, on n'y va pas. Alors, à nous d'assumer les conséquences que ça engendrera, dans le sens où on n'aura pas le petit billet à la fin de la journée ou à la fin du mois. Mais on n'a pas une épée de Damoclès parce qu'on a un crédit de quelques milliers d'euros à la banque qui nous pousse à aller travailler tous les matins. Et si demain matin, j'ai pas envie d'aller travailler... Et de profiter de la journée parce que j'y vais pas et je profite. Et ça, c'est bien, en fait, de se dire qu'on est libre, en fait. C'est vraiment ça, la liberté. Être un papillon, quoi. Comment utilises-tu ce temps? Ce temps-là, on peut faire des choses pour soi, penser à soi. Et je pense que... on parle beaucoup de reliance à la nature, de... Mais je pense qu'il faut aussi se relier à soi-même et apprendre à se connaître soi-même. Donc à travers la méditation, des moments où on travaille, où on n'est qu'avec soi-même, où on ne pense pas forcément, mais on essaye de connaître son corps, la respiration. Et puis après, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que je profite de mes enfants, je profite de ma vie de couple... on va se balader, on fait un pique-nique, on va au jardin, on ramasse des champignons, on fait les bocaux pour l'hiver, on prend le temps de lire des bouquins qui nous intéressent, alors que avant, quand on travaillait dans le moule, comme, ben, on n'avait pas le temps de bouquiner, de s'intéresser, on réfléchit à vers quoi on veut aller, pourquoi on veut y aller et comment on va y aller, quoi. Et là, on est en train d'en parler de tout ça. Ça, j'aimerais bien juste vendre quelques légumes et vivre de troc, quoi, en fait. Ce serait ça l'idéal, quoi. Après, je sais pas si ce sera possible. Pour le moment, c'est une image que je me donne un peu de la vie d'après, quoi, justement. Bon, en tout cas, déjà, quand on arrive chez vous, même si c'est dans une maison moderne, t'as quand même à l'entrée un panier qui écrit « Servez-vous, prix libre ». Ouais, l'idéal, ce serait de les donner. L'argent fausse un petit peu l'échange. Et donc, j'aimerais bien ça, avoir sur notre terrain, là, une petite... un petit gazebo à l'indonésienne, là, ou une petite yourte, et je fais mes massages là-dessus, au milieu de notre jardin, et puis les gens, ils repartent. Et puis, une fois qu'on sera en autonomie, bon, ben, on a besoin de beaucoup moins d'argent pour vivre, donc on en demande moins aux gens, quoi. Donc là, le projet va être lancé, et on va pouvoir mettre quelque chose. T'es pas d'accord, toi? On va pouvoir installer une yourte sur le terrain, et tout cet argent qui part ici un petit peu en fumée, ben, on va pouvoir l'investir dans la maison, et après, ben, soit on continue à gagner autant d'argent, et on sera hyper riche, mais riche d'argent, c'est pas être très riche dans le cœur, et c'est pas ça qui rend heureux, quoi. Donc en fait, on ne sera pas forcément riche d'argent, mais on sera riche de tout ce qu'on a, quoi. Et parce que ce seront nous qui l'aurons construit, et on aura encore plein de projets et plein de bébés à nourrir. Plein de bébés à nourrir. Donc voilà, là, on parle au futur, cette envie d'autonomie, de trouver le terrain, d'y construire sa maison, de travailler moins, de dépenser moins. Mais maintenant, il y a déjà un pas qui a été franchi. Avant, j'ai visité le jardin, donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du jardin, comment ce projet a commencé? Quelle est l'implication, l'investissement que vous y mettez tous les deux? Donc le projet de jardin, il a commencé il y a 4 ans, à peu près, avec un jardin normal. Rien d'exceptionnel, quelques pieds de tomates, quelques pieds de courgettes. Et donc après, il y avait toujours... on n'a jamais voulu mettre de produits, donc un truc le plus naturel qui soit. Et l'année suivante, justement, en retour de voyage, on s'est rendu compte que le tourisme, ça ne marchait pas forcément. Ça n'allait pas dans le bon sens pour la planète et pour toutes les relations humaines qu'il pouvait y avoir entre les... Il y a trop de différences de culture entre les pays occidentaux et les autres pays sous-développés. Donc ça ne nous a pas plu. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui nous ont dit c'est peut-être temps de rentrer chez nous et de voir un petit peu ce qu'on peut créer à la maison, quoi, et peut-être une envie aussi de se poser, quoi. Et du coup, on est rentré en plein hiver. On a dit on va fendre du bois, on va nettoyer là-bas la parcelle et on va faire un gros potager. Donc on s'est lancé dans le potager, une fois que c'était nettoyé, on a commencé à faire des buts pour créer un petit jardin en permaculture. Et après, ça s'est dessiné petit à petit au feeling, on s'est adapté un petit peu au terrain, à faire des petits virages quand il y avait des souches, quand il y avait des racines, on a laissé un peu l'esprit faire son dessin, quoi. Et voilà, et puis direct après, on a entamé des grosses plantations de tomates, de courgettes. Donc là, cette année, on a un peu réduit, on a fait des choses, tout ce qui poussait bien, on a gardé. Ce qui était un peu plus compliqué, qui demandait plus d'entretien, on a un peu lâché prise. Parce que du coup, on a quand même les deux enfants, plus le travail l'été, et tout en même temps, le jardin aussi, ça demande plus de travail l'été. Donc cette année, on a un peu plus fait un peu plus tranquille. Mais bon, c'est quand même pas mal de boulot, quoi, t'as dû voir. Carrément. Non, c'est vrai que le jardin est très beau, puis t'as aussi un poulailler, t'as aussi une ruche. Voilà, faut aussi nourrir les poules tous les jours, faut aller les bichonner, voir si tout va bien, leur dire 2-3 mots doux pour qu'elles nous fassent les œufs. Et après, les abeilles, je les laisse tranquilles pour le moment et on verra ce qu'elles auront produit pendant l'été. On espère qu'elles ont bien bossé, quoi. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Alors là, on a un terrain qui est en zone naturelle. On a fait une demande pour qu'il passe en zone agricole au niveau du commissaire enquêteur. On est en attente de la confirmation de la zone agricole ou pas. Et une fois que c'est passé en zone agricole, parce qu'on est très confiant, une fois que c'est passé en zone agricole, ce serait s'installer en tant qu'exploitant agricole. Joris, a priori, ou moi, ou les deux, avoir... on n'a pas encore défini exactement sur quel type d'activité ce serait, mais quelque chose de polyvalent, toujours, pas être que dans une seule chose. Et pourquoi pas sur les baies, parce que les baies, en plus, au niveau nutritionnel, en tant que végétarien, c'est très important, ça détoxifie le corps au maximum. Et puis c'est très nourrissant, du coup, pourquoi pas partir là-dessus et sur... peut-être la production d'argousier, c'est ça? D'argousier, ouais, toi tu aimes bien les arbres, hein, c'est ça? Ouais, moi j'aime bien les arbres en fait. Enfin, le but en fait sur le terrain que tu n'as pas vu, je crois, ce serait d'y... Il y a un jardin en Belgique, je crois, c'est le jardin des fraternités ouvrières, un truc comme... et où c'est une sorte de forêt nourricière, où tu as une végétation énorme et tout est en surproduction. En fait, il y a toujours des petites baies, des petits fruits qui vont pousser tout au long de l'année, où tu peux toujours récupérer, tu en auras toujours de trop. Et ça prend énormément de temps à se créer, mais au bout de 30 ans, 40 ans, tu as un endroit qui tu peux faire vivre 15 personnes dessus et il y a toujours à manger pour tout le monde. Quoi. C'est top. La réaction des amis, de la famille, voilà, comment est-ce que les gens perçoivent votre projet de vie, donc cette envie de s'extraire un petit peu du monde matériel et capitaliste pour être plus dans une démarche de respect de l'environnement et de l'autonomie? Ben, ils comprennent pas forcément, ils nous prennent un peu pour des fous, pour des hippies, pour... mais en même temps, la dernière fois que j'ai vu ma famille, on m'a dit « mais en même temps, ça fait tellement plaisir de vous voir, vous respirez tellement de bonheur ». Qu'on n'a peut-être pas besoin voilà, d'être dans le moule pour être heureux, justement. Et donc, il y a une partie qui, même s'ils ne comprennent pas trop, après, voilà, on est heureux, on est en bonne santé, ils acceptent. Et puis, je pense qu'ils seront surpris, parce qu'ils ne connaissent pas, alors ils ne sont pas forcément curieux de toutes ces alternatives qu'il y a. Mais... aujourd'hui, ils ne sont pas curieux, mais le jour où on aura notre maison, et là, on leur a parlé d'un projet similaire pas très loin, et voilà, il y a plein de personnes qui sont intéressées d'aller voir cette maison. Ah, c'est dans ça que vous voulez habiter, mais comment vous allez faire? Et aujourd'hui, on arrive à s'en sortir très bien. Et les amis? Et les amis, le vivent bien aussi. Hein. Il n'y a pas de... Non, les amis, du coup, bah forcément, après, quand tu es végétarien, déjà, tu manges moins souvent au restaurant avec les copains. Et en plus de ça, quand tu produis tes propres légumes et que c'est tout le temps meilleur à la maison, bah, tu n'as pas forcément envie d'aller manger au restaurant et... en sachant que tu mangeras tout le temps meilleur, des meilleurs trucs chez toi. Quoi. Surtout avec des très bonnes cuisinières. Et... le rêve, l'utopie, l'avenir, ça sera comment dans... Joris et Karine, si je reviens vous voir dans 5 ans ou dans 6 ans, hein, qu'est-ce que je découvrirai? Une maison de hobbit avec un toit végétal sur une parcelle, sur notre parcelle, là, avec la mare, avec des poules, avec 4 enfants. Et ouais, l'utopie, c'est ça, c'est vraiment de vivre là-bas et puis d'essayer aussi... ce serait aussi de pouvoir bah, le partager un petit peu plus voilà, avec la famille du coup et avec les amis et qui voient que c'est possible et que si nous on l'a fait, bah, ils peuvent le faire aussi. Il suffit d'en avoir envie et de prendre conscience des choses. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les 2 mois.